coucou. Vous êtes là? Bon, bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Merci. Merci d'être là fidèle à cette émission 690e du nom. Eh oui. Eh oui, le temps passe. Peut-être trop vite pour certains. Peut-être pas assez vite pour d'autres. En tout cas, pour nous, il passe aussi, hein, rassurez-vous. Hein. Ah oui, oui, bien sûr. Tous les jours que Dieu fait, ça s'accroche au compteur. Hein. Eh oui. Et il y a des fois le compteur, il a du mal à porter. Hein. Mais voilà, vous avez, vous comme moi d'ailleurs, nous avons cette chance, c'est de pouvoir se rencontrer via la musique, via les ondes sur le 91, sur le 102.5, tous les mercredis, tous les dimanches et tous les lundis pour pouvoir eh bien, passer ce petit moment entre nous, en toute amitié et surtout avec plein d'amour. Parce que, je vous le dis très souvent, l'amour, c'est quelque chose qui ne peut pas nous manquer. Ce n'est pas possible. Sans amour, difficile. On peut y arriver, hein. Il y a plein de gens qui arrivent sans amour. Mais nous, eh bien nous, nous sommes ensemble pendant près de 2 heures pour passer un bon moment. Même si on est à la retraite. Eh oui. J'allais presque dire surtout si on est à la retraite. Bon, allez. Puisque vous êtes là, que vous m'avez fait cet énorme plaisir d'être en ma compagnie, eh bien, on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti. À qui il est bon le temps de la retraite, disent les retraités. Avec un air enjoué, on fait très souvent la fête et l'on aime prendre du bon temps. À qui il est beau le temps de la retraite, c'est sûr on l'a bien mérité. Avec nos amis, on chante et l'on rit, on est très content de profiter de la vie. On joue à la pelote ou on gagne au loto. On a gagné des sous, il faut les dépenser. Comme le temps passe vite, il faut se dépêcher. Cette année, on va à Saint-Tropez. C'est sûr, on l'a bien mérité. Eh oui, vous croyez qu'on l'a mérité, le temps de la retraite ? Eh bien écoutez, si la chanson le dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, on le prend de telle manière qu'on ne peut pas y échapper, n'est-ce pas ? C'est parti ? Allez, c'est parti. Commencer par quelques mots d'amour, c'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné le plus beau de mes jours, et je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson, et mes rêves. Et mais je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au mois de frisson. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'ai plus rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. Ma candeur et mes 20 ans avaient su t'émouvoir. Je te couvrais de fleurs. Mais quant à mon vieux maman, j'ai vu des nuages noirs. J'ai senti ta froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les. Je suis sous ton châle, souvent tu m'émerveilles, mais parfois tu m'oublies. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'ai plus rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. Savent que tu me tiens. Devant toi, sur scène, je trouve ma patrie. Dans tes bras, je suis bien. Le droit d'être triste, quand parfois j'ai cœur gros, je te l'ai sacrifié. Et devant toi, j'existe, je gagne le gros lot. Je me sens sublimé. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'ai plus rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'ai plus rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. Ah, quand c'est pas les originaux, c'est vrai qu'on a un peu de mal. En tout cas, c'est vrai, moi, j'ai un peu de mal. Mais bon, c'est pas trop mal interprété, bien que c'est pas d'amour, hein. Bien sûr, c'est pas d'amour. Un petit tango ? Allez, un petit tango, ça va nous faire du bien et puis ça va tout simplement nous remettre un peu dans la voie. C'est très très vieux ça, hein ? Ce n'est qu'un refrain familier que chante au soir un gondolier, mais qui fait revivre en nos cœurs un merveilleux bonheur. Souviens-toi, voix de ce tango des jours heureux. Du refrain qui fit de nous deux amoureux. Cette nuit, je me retrouve en l'écoutant, le cœur battant comme à 20 ans. Souviens-toi, les violons du temps passé ont fait danser deux fiancés. Sais-tu que chaque fois que nous sommes toi et moi, je repense au petit bal au bord du canal. Sais-tu que ce soir-là, notre amour vivait déjà dans les mots d'une chanson et nous le dansions. Chaque fois que nous sommes toi et moi, je repense au petit bal au bord du canal. Sais-tu que ce soir-là, notre amour vivait déjà dans les mots d'une chanson et nous le dansions. Ce n'est qu'un refrain familier que chante au soir un gondolier, mais qui fait revivre en nos cœurs un merveilleux bonheur. Ah, souvenir, souvenir, quand tu nous tiens, le tango des jours heureux. Je crois, si je ne m'abuse, que Marcel, la Marcel Roman, Madame Marcel Roman, qui j'en suis sûr est à l'écoute, a partagé ce moment de bonheur avec Gégène. Eh oui, j'ai une toute petite pensée pour vous, Madame Roman, et ainsi que pour votre époux, Gégène. Je n'oublie pas non plus Chantal. Notre amour était plus bleu qu'un ciel d'été, mais le temps des jours heureux s'est envolé. Alors à quoi bon les larmes et les regrets? Il vaut mieux souffler la flamme à tout jamais.

Maria Elena à l'accordéon. Pas mal, hein? Ah oui, oui, pas mal, pas mal. Allez, on continue? Bien sûr, on est là pour ça. Écoute-moi, si loin que tu sois, je ne t'oublie pas, et je chante pour toi. J'entends la pluie pleurer dans la nuit, elle pleure sur nous. California Blue, California Blue, j'appelle au secours, et je meurs d'amour, California Blue, dans notre maison. Rien qu'un souvenir, tes yeux et ta voix, tant de choses à te dire. J'entends la pluie pleurer dans la nuit, elle pleure sur nous, California Blue. California Blue, j'appelle au secours, et je meurs d'amour, California Blue, dans notre maison. Un jour, je sais, ma vie changera. California Blue, California Blue, oh, reviens-moi, California. Reviens-moi, California Blue. Oh, reviens-moi, California Blue. California, California, California Blue. L'information, c'est sur Sorgir FM. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. C'est une chanson qui fait rêver, son refrain fleurbant les guinguettes, comme une belle histoire du passé, de celle qui fait tourner les têtes, aux amoureux du monde entier, aux gens heureux, au cœur en fête. C'est un petit air qui simplement nous invite à danser en valsant. du bonheur. Ce soir, elles invitent au voyage. Car quel que soit l'instant ou l'heure, elles vont par-delà les nuages. Ce sont les voix d'une passion qui se marie à l'accordéon. Elles se racontent avec le cœur. Oui, ce sont les voix du bonheur. Jamais on n'oublie. Entendez les voix du bonheur. Ce soir, les invite au voyage. Car quel que soit l'instant ou l'heure, elles vont par-delà les nuages. Ce sont les voix d'une passion qui se marie à l'accordéon. Elles se racontent avec le cœur. Ce sont les voix du bonheur. C'est le souvenir d'un été au bal de quartier qui scintille. Une mélodie syncopée qui va de nation à Bastille. Des jongleurs et des musiciens de bal en bal, de ville en ville. Du fond des jours au bout des nuits, l'aventure que jamais on n'oublie. Entendez les voix du bonheur. Ce soir, les invite au voyage. Car quel que soit l'instant ou l'heure, elles vont par-delà les nuages. Ce sont les voix d'une passion qui se marie à l'accordéon. Elles se racontent avec le cœur. Ce sont les voix du bonheur. Ce soir, les invite au voyage. Elles vont par-delà les nuages. Ce sont les voix d'une passion qui se marie à l'accordéon. Elles se racontent avec le cœur. Ce sont les voix du bonheur. Elles se racontent avec le cœur. Oui, ce sont les voix du bonheur. C'est un petit village au pied des volcans, loti dans le cœur de la France. Avec des nuages qui courent sous le vent, c'est déjà l'été qui s'avance. Ça sent la gentiane et les fleurs des champs sur tous les sentiers de vacances. De Bessamurin, de Thauvin-Saint-Donat, ces images ne s'oublient pas. Merci l'Auvergne, mais quel beau pays, c'est bien toi m'a compris. Merci l'Auvergne, jardin d'amour, moi j'aime et j'y reviens toujours. Merci l'Auvergne, charme si fou, on ne compte plus tes atouts. La France entière, tu fais rêver, de toi on n'est jamais lassé. Achète un fromage et monte au bureau. N'oublie pas ton chapeau de paille. Tu es près des vaches avec les mouflons. Là-haut, tu pourras faire y paille. Tu manges une omelette, tu bois ton canon. En larmes au soleil des montagnes. Ce soir, c'est la fête, la foire à Brion. Il y aura de l'accordéon. Merci l'Auvergne, mais quel beau pays, c'est bien toi qui m'a

Eh oui, voilà, vous avez eu droit à une deuxième California Blue, tout simplement. C'est, vous savez, c'est quand on appuie sur le mauvais bouton. Eh oui, non, mais c'est pas grave, hein, ce n'est pas grave du tout. Je suis persuadé que vous en êtes aussi heureux que moi. Toi, paysan mon ami, près de toi j'ai grandi, mais j'ai gardé en moi ta silhouette familière, les gens de cette terre qui ne se plaignent pas. Humble travailleur sincère, dans ta modeste chaumière, paisible et joyeux de vivre. Ce décor bien tranquille, toi, paysan mon ami, ton visage bruni au gré de tous les temps, ta casquette sur le front dominant l'horizon, tu te sens bien chez toi. Tu t'en vas d'un pas tranquille, heureux bien loin de la ville. Rien ne pourrait t'arrêter. Par amour pour ton métier, toi paysan, ton serment resté fidèle à celle qui t'a vu naître il y a longtemps, et les années à toi ne font pas de peine. Ton seul désir, vivre ici tout simplement. Toi, paysan, mon ami, connaissant tout du ciel, ses caprices, ses jours gris, ton sourire malicieux garde bien des secrets que tu ne m'as pas dit. Chez toi la porte est ouverte, il y a toujours une assiette pour celui qui vient chercher un peu d'espoir, d'amitié. Toi paysan, ton serment resté fidèle à celle qui t'a vu naître il y a longtemps, et les années à toi ne font pas de peine. On se désire vivre ici tout simplement. Eh oui, paysan, mon ami, avec cette belle mélodie, n'est-ce pas? Adios, adios amigo. Adieu ma belle, je t'écrirai. Adieu. adiós amigo, hasta la vista. Tous les océans n'éteindront pas mon espoir. Adiós amigo, hasta la vista. Je n'ai jamais cessé de croire. En quelques larmes ou quelques mois, qu'un autre cœur prendrait ta place. Pourtant j'entends toujours ta voix. Te quiero amor, con mucho calor. Eres una señorita muy bonita. Cuando oigo esa música, siempre amigo, hasta la vista. Adieu ma belle, je t'écrirai. Adios amigo, hasta la vista. Si tu m'oublies, je comprendrai. Adios amigo, hasta la vista. Tous les océans n'éteindront pas mon espoir. Adios amigo, hasta la vista. Je n'ai jamais cessé d'y croire. Adios amigo, hasta la vista. Adieu ma belle, je t'écrirai. Adios amigo, hasta la vista. Si tu m'oublies, je comprendrai. Adios amigo, hasta la vista. Les océans n'éteindront pas mon espoir. Adios amigo, hasta la vista. Je n'ai jamais cessé d'y croire. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. J'habite seul avec maman, dans un très vieil appartement, rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de canarie et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion je pique aussi. Ne me fais pas peur, je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit, que je l'exerce travesti. Je suis artiste, j'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease, et dans la salle je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme, comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes. Dans un quelconque bar tabac, et là, on s'en donne à cœur joie.

que je revois passer l'espace d'un instant. Tourne, tourne les moulins de la rivière du temps qui s'en va. Tourne, tourne, tourne bien sur un air au parfum d'autrefois, de sourire en chagrin, mais toujours sur le même chemin. Et voilà comment de jour de l'été ne sont qu'un souvenir. Les couleurs de l'automne sont bien plus belles encore. Et dans mon cœur en paix, je n'ai qu'un seul désir. C'est d'être à tes côtés. Nous quitterons le port. Si tes pas tremblent un peu au soir de notre vie, je prie d'être encore là pour te tenir la main. Et nous nous en irons, toutes choses accomplies. Ce dernier bonheur qui n'aura pas de fin. Tourne, tourne les moulins de la rivière du temps qui s'en va. Tourne, tourne, tourne bien sur un air au parfum d'autrefois, de sourire en chagrin. Sur le même chemin, et voilà comment de jour en jour s'écrivent les plus beaux romans d'amour. Sourire en chagrin, mais toujours sur le même chemin. Et voilà comment de jour en jour s'écrivent les plus beaux romans d'amour. J'essaie de sourire, au revoir, pour ne pas pleurer, au revoir, ces mots me déchirent, au revoir, j'ai tant de peine à te quitter. Nous sommes tant aimés. Notre amour était bien trop fort. Ne m'en veux pas, mais malgré moi, je t'aime encore. faudra apprendre à nous voir avec d'autres yeux. De comprendre qu'au revoir, ce n'est pas tout à fait adieu. Au revoir, comment veux-tu que je t'oublie? Au revoir, nous nous sommes tant aimés. Après tant de tendresse et tant de folie, comment trouver la force de se quitter? Page de l'histoire vient de se tourner. Au revoir, il faut du courage pour oser fermer le livre et s'en aller. Deux amis sincères, Serge Della Longa et puis Dédé Bertetto. Que j'ai cueilli pour toi, cette fleur ou cette rose, te revient à tant de choses, du vrai bonheur d'autrefois. Une fleur et une rose, si belle entre tes doigts. Je n'ai pu te garder auprès de moi, et ton amour me glisse entre les doigts. Ne peux-tu te souvenir de nos serments d'avenir, aimer puis mourir d'aimer? Une fleur, il n'y a qu'une rose, que j'ai cueillie pour toi. Cette rose te redira tant de choses du vrai bonheur d'autrefois. Une fleur, il n'y a qu'une rose, si belle entre tes doigts. Cette fleur ou cette rose dira mieux que je ne l'ose pour l'envie que j'ai de toi. Je n'ai pu te garder auprès de moi, mais ton amour me glisse entre les doigts. Ne peux-tu te souvenir de nos serments d'avenir, aimer puis mourir d'aimer? Ne peux-tu te souvenir de nos serments d'avenir, aimer puis mourir d'aimer. Une fleur rien qu'une rose, une fleur rien qu'une rose, une fleur rien qu'une rose, une fleur rien qu'une rose. Souvent j'en avais cueilli des cœurs. Tu n'étais pas la première, mais voilà, quand tu dansais, tu m'as lancé ta fleur. Tous les parfums des jardins d'Andalousie s'étaient posés dans le cœur de tes cheveux. Tous les regards des beautés de l'Arabie s'étaient donné rendez-vous dans tes yeux. Tu es mon château en Espagne, mon amour l'a bâti pour toi. Tu es mon pays de cocagne et mon cœur s'en est fait le roi. Tu n'étais pas la première, loin de là, j'en avais connu bien d'autres avant toi. Non, en me donnant ton cœur, non, tu ne m'as pas fait de fleurs. Tu n'étais pas la première, tant s'en faut. J'en avais vu de toutes les couleurs. Mais dès le soir où tu m'as lancé ta fleur, je me suis fait le cœur d'un torero. Et depuis là, je suis là frôlant la mort, au corridor de tes pleurs et de tes cris. Je me sens seul comme un pauvre matador dans les arènes de la jalousie. Mais jolie comme une Andalouse, tu me fais ton œil d'assassin. Et tu ris quand tu es jalouse. Je te crains mais je n'y peux rien. Tu n'étais pas la première, loin de là, j'en avais connu bien d'autres avant toi. Non, en me donnant ton cœur, non, tu ne m'as pas fait de fleur. En fait d'amour, il ne faut jurer de rien. Je tiendrai tout le temps qu'il me faudra. Et je sais bien que le jour n'est pas lointain où, profitant que tu es loin de moi, j'irai faire un tour à Séville ou à Malaga, pour savoir si toutes les filles sont aussi compliquées que toi. Pour trouver sous d'autres mentilles un amour moins violent que ça, et danser une séguedille dans les bras d'une autre que toi. Ah, ces quelques minutes en compagnie de ces deux amis que j'aime profondément. Ça nous rappelle bien évidemment ces moments un peu privilégiés que nous passions ensemble lorsque nos rencontres pouvaient se faire dans la rue tout simplement, ou alors bien sûr sur le plancher des vaches, comme ils aimaient à dire tous les deux. L'amour va émouvoir nos cœurs pleins d'espoir devant la chapelle à beau soir. Nous avons prononcé tous deux enlacés des serments jamais effacés. La chapelle au clair de lune où j'ai tant rêvé de vous, attendant l'heure opportune. Garde nos amours en close et je reviens tendrement près d'elle parmi les roses. Ces quelques moments de souvenirs, ces quelques moments de bonheur, tout simplement, que l'on peut partager justement parce que cette musique existe. J'entends ces guitares, je revis notre histoire. Un tout premier sourire et nos premiers regards. Un vent venu du sud à la tombée du soir embrasait nos corps cachés dans le noir. Je me souviens très bien de ton premier baiser, du goût de mon désir quand nous dansions serrés. C'était le paradis au plein cœur de l'été qui fait tout oublier comme un rêve éveillé. Buonasera, à toi mon espagnol. Buonasera, je ne t'oublierai pas. Buonasera, pour que l'amour s'envole aussi haut que brillent les étoiles. Buonasera, à toi mon espagnol. Buonasera, je ne t'oublierai pas. Buonasera,

le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peut-on vouloir désormais. Tu vas m'oublier, ce n'est pas de ta faute, et pourtant tu dois savoir qu'après toi je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi. Qui unit deux êtres pour toujours. Après toi, je pourrais peut-être donner de ma tendresse, mais plus rien de mon amour. Après toi. Il y a bien des paroles qui disent la vérité dans les chansons, pour la plupart en tout cas. En tout cas, dans celles que je choisis, je crois que l'amour restera toujours, primera en tout cas toujours. D'ailleurs, même en italien, je ne peux m'empêcher ce quart d'heure italien que vous attendez toutes et tous. Ça y est, c'est parti. C'est tout neuf, hein, c'est tout nouveau, ça vient d'arriver ça. Sue mani mi parlava prendendomi il cuore, era lui che con i suoi occhi mi parlava d'amore, mentre io guardandolo in viso gli dicevo facendo un sorriso, nella vita non sono mai stata così innamorata. Amore, rendono il cuore così come d'incanto. Io già l'amavo e poi sognavo per noi quel desiderio. Sarà una storia infinita, io e te per tutta la vita. Una favola che come un fiore profuma di te. Era lui e come un pittore mi fissava per poi sussurrare. Nella vita non sono mai stato così tanto amato. Mentre io non ci credevo, fra le braccia me lo stringevo. Nella vita non sono mai stata così innamorata. Gesti d'amore prendono il cuore così come di per noi. Quel desiderio sarà una storia infinita, io e te per tutta la vita. Una favola che come un fiore profuma di te. Ah, c'est tout neuf, ça vient d'arriver, bien sûr. Non, celle-ci, celle qui va suivre, là, non, non, vous la connaissez un peu, mais de temps à autre, une petite piqûre de rappel, ça fait pas mal. L'ha scolpita in un tronco di abete un bel pastorello. Dall'altare di quella cappella che guarda la valle. Poi qualcuno colori e pennello l'ha un di pitturata. Ora il simbolo di ogni viandante che passa di là. Madonnina dai riccioli d'oro, stai pregando su dimmi per chi. Per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da tempo. Tu d'estate sei lì sotto il sole, ed inverno tra il gelo e la neve. Al tepore della primavera, circondata dai fiori sei tu. Filo diretto col paradiso, non hai malati, un conforto e un sorriso. Prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi. Son passato un mattino d'autunno sul verde sentiero. La Madonna dei riccioli d'oro non c'era mistero. Dalla nicchia deserta mancava quel dolce tesoro. Un viandante che passa davanti pregare più non può. Madonnina dei riccioli d'oro, pregando su dimmi per chi. Per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da tempo. Tu d'estate sei lì sotto il sole, ed inverno tra il gelo e la neve. Al tepore della primavera, circondata dai fiori sei tu. Filo diretto col paradiso, non hai malati, un conforto e un sorriso. Prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi.

sarebbe troppo bello. Me ne andrei felice fischiettando un ritornello. Vivere due volte sarebbe emozionante. Come un marinaio darei il mio cuore a tutte quante. Se vivessi un'altra volta, io saprei chi evitare. Sceglierei fra tanti amici solo quelli più sinceri. Io vivrei alla giornata dando a me la precedenza, non pensando più al futuro ma pensando solo a me. Vivere due volte sarebbe troppo bello. Me ne andrei felice fischiettando un ritornello. Vivere due volte sarebbe emozionante. Come un marinaio darei il mio cuore a tutte quante. Vivere due volte sarebbe troppo bello. Me ne andrei felice fischiettando un ritornello. Vivere due volte sarebbe emozionante. Come un marinaio darei il mio cuore a tutte quante. Vivere due volte sarebbe troppo bello. Quando ritorna l'amore, tu quel fazzolettino, amor dammi quel fazzolettino, amor dammi quel fazzolettino, vado alla fonte, lo vado a lavar, amor dammi quel fazzolettino, vado alla fonte, lo vado a lavar, te lo lavo alla pietra di marmo, te lo lavo alla pietra di marmo, te lo lavo alla pietra di marmo, ogni macchietta è un bacino d'amor, te lo lavo alla pietra di marmo, ogni macchietta è un bacino d'amor, te lo stendo ad un ramo di rose, te lo stendo ad un ramo di rose, te lo stendo ad un ramo di rose, ogni sbattuta è un sospiro d'amor, te lo stendo ad un ramo di rose, ogni sbattuta è un sospiro d'amor. Ferro a vapore, te lo stiro col ferro a vapore, te lo stiro col ferro a vapore, ogni pieghino è un bacino d'amor, te lo stiro col ferro a vapore, ogni pieghino è un bacino d'amor, te lo porto di sabato sera, te lo porto di sabato sera, te lo porto di sabato sera, di nascosto di mamma e papà, te lo porto di sabato sera, di nascosto di mamma e papà. C'è chi dice l'amor non è bello, c'è chi dice l'amor non è bello, c'è chi dice l'amor non è bello, certo quello l'amor non sa fa, c'è chi dice l'amor non è bello, certo quello l'amor non sa fa. Stelle in città, centomila lanterne, c'è tutta la luce che c'è, ma sei tu l'universo per me. Ci sono migliaia di baci, di amanti e di sguardi veloci, c'è tutto l'amore che c'è, ma sei tu l'universo per me. Ma se un pensiero gente che aspetta là fuori. C'è tutto il profumo che c'è, ma sei tu l'universo per me. Ma se un pensiero una mattina mi sveglierà e tu non fossi qua, se tu non fossi qua, metti la mano sopra il mio cuore, si calmerà, digli che amore avrà e che non finirà. Cette chanson pour Marcel et pour Vanda. Milioni di stelle in città, 100.000 lanterne, c'è tutta la luce che c'è, ma sei tu l'universo per me. Ma se un pensiero stelle in città, 100.000 lanterne, c'è tutta la luce che c'è, ma sei tu l'universo. Allez, c'est avec cette toute dernière que l'on se quitte pour mieux nous retrouver très bientôt. Je vous aime, je vous embrasse, et vous les femmes. Ah, vous les femmes, je vous embrasse partout, partout, partout, partout. Sguardi veloci, c'è tutto l'amore che c'è, ma sei tu l'universo per me. Ma se un pensiero écoutez sur GFM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 FM et sur le 102.5 FM.